Brigitte, tu me diras quand c'est fini? Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette dame-là? C'est quoi la gamme là?